Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Charles Dandigné, préenregistré le 15 juin 2015, diffusé dimanche 26 juillet de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, lundi dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue sur le libre journal de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Rance, historien, écrivain, qui publie un très beau livre, très original, qui s'appelle Nietzsche et le crucifié aux éditions Adsolem. Didier Rance, bonjour, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Bonjour. Alors effectivement, c'est un livre qui est très, très original que vous publiez. Ça se passe à Turin en 1888. Il y a une étude extrêmement fouillée de Nietzsche. Vous parlez du suaire de Turin. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'entreprendre un tel livre ? Alors l'idée, elle est relativement simple. J'ai fait une découverte un jour à Turin et j'aime bien lire des livres. Donc j'ai essayé de trouver un livre sur lequel je puisse en lire un peu plus sur cette découverte. Et puis j'ai découvert que ce livre n'existait pas. Oui. Donc je n'avais pas d'autre solution pour pouvoir le lire que de l'écrire. Donc ça y est, je l'ai écrit pour pouvoir le lire. Et vous avez mis combien de temps à écrire ce livre? Parce que c'est très très fouillé. Vous connaissez bien Nietzsche depuis longtemps? Alors, depuis le temps que j'étais étudiant au Quartier Latin, ça nous remonte dans les années 65-6 par là. Donc déjà à cette époque, il y avait chez Joseph Gibert, publicité gratuite, une table où il y avait plein de livres de Nietzsche. La dernière fois, je suis allé dans la même librairie. Je vais une fois ou deux à Paris par mois, donc c'était une dernière fois que j'étais à Paris. Je suis allé vérifier, elle est toujours là. Je ne sais pas si ce sont les mêmes titres, mais elle est toujours là. Donc Nietzsche fait partie de notre environnement. On sait que c'est le philosophe ou le penseur, ça dépend si on l'appelle un philosophe ou non. Ça a beaucoup varié d'ailleurs là-dessus, depuis qu'il est mort en 1900. C'est le penseur ou philosophe qui était un des deux ou trois les plus présents au programme d'agrégation dans les années 80. C'est un chercheur allemand qui a remarqué ça. Mmh. Et les programmes d'agrégation, de philosophie, je parle, ça nous donne à peu près une idée de quelles sont les pensées dominantes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que j'ai toujours entendu parler de Nietzsche, mais sans plus. Bon, je connaissais aussi, d'une part, ses attaques contre le christianisme, oui. Son fameux « Dieu est mort », on y reviendra bien sûr. Mm-hmm. Mais je savais aussi alors je ne sais plus pourquoi, pour en avoir dans ma bibliothèque, que des penseurs chrétiens, même des maisons d'édition chrétiennes, faisaient de lui un espèce de cinquième évangile, le seul qui aurait vraiment compris Jésus et le christianisme. Donc c'était tout ça un peu mélangé. Et en fait, on peut dire vraiment de façon inopinée, même si dans l'inopiné, il y a des fois des affleurements du grand réel qui arrivent. Je vais de temps en temps à Turin, à la fois parce que quand il y a une ostension du Saint-Suaire, je suis allé aux trois ou quatre dernières. Hein, donc vous êtes intéressé là ? J'y étais le deuxième jour, elle a commencé le 20 ou 21 avril, j'étais le lendemain, le lundi. Hein, donc là, mais si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas pour une ostension, ça devait être vers 2007 ou 2008, c'était une rencontre au monastère de Beauzée, au Piémont. Hein. Il se trouve du côté de ma mère, ce sont des Piémontais qui sont partis à Nice quand Nice était encore royaume de Savoie. Hein, donc, là, donc c'est bien ancien. Mais, et puis je me promenais un peu comme ça dans le centre-ville, qui est assez saisissant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais avec ses grandes arcades, il y a près de 20 km d'arcades, tout cela. Et puis je suis arrivé devant la plaque, où, la maison où Nietzsche a vécu. Hein. Mm-hmm. Alors petite surprise quand même, parce que je connais assez bien l'Italie, j'ai encore d'y passer un peu plus d'un mois, mais la date de la plaque était un peu surprenante, c'était marqué en 22 EF. Est-ce que vous voyez ce que veut dire en 22 EF ? Non. Alors, tout simplement, air fasciste. Ah, oui. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il reste énormément en Italie de plaques commémoratives. Ils l'ont laissé tel quel. Oui, et en plus, c'était une époque, donc octobre 44, c'était pour le centenaire de la naissance de Nietzsche, hein, le souvenir qu'il avait vécu là. Mmh. Donc, je dirais, le régime fasciste avait quand même plus que sérieux problèmes à cette époque, qu'on ait mis cette plaque. Et c'est une plaque totalement dithyrambique à l'adresse de Nietzsche, quoi. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette plaque se trouve donc au pied de l'immeuble. Il habitait au dernier étage. Mm-hmm. Et je ne sais pas si vous connaissez Turin. Je suis allé une fois. Voilà, donc je me situe, il y a une belle place royale, puisque c'était capitale d'abord du duché, puis après du royaume de Piémont-Sardaigne, et puis même quelques années de l'Italie. Hein. Il y a la grande place royale. Hein. D'un côté, vous avez le palais royal, et vous avez la chapelle du Saint-Suaire qui est encastrée dans le palais royal, même une porte qui permettait aux souverains d'aller directement dedans sans avoir à passer par la cathédrale Saint-Jean qui se trouve elle par derrière et qui donne sur la ville. Hein. Non, vous avez le palais, vous avez la place et de l'autre côté de la place, vous avez un bloc de maison et en fait, Nietzsche habitait dans le revers de ce bloc de maison. Hein. Donc vraiment à deux pas du Saint-Suaire. Oui, oui. Et donc ça a été ma question de départ pour laquelle j'ai cherché un livre, disant mais tiens, c'est quand même assez étonnant. Nietzsche, bon, l'Antichrist, celui qui la mort de Dieu, celui qui s'est pris pour Dieu à la place de Dieu. Enfin, tout ça à côté de justement du Saint-Suaire. Et après, on discutera bien sûr du Saint-Suaire, mais je dirais sur non pas le Saint-Suaire en soi, mais l'homme du Suaire, bien sûr, oui, hein, le Christ. J'ai cherché qui s'était intéressé à cela. Alors, j'ai trouvé une ligne. Chez un écrivain italien, Messori, qui est connu pour ses entretiens avec le pape Benoît XVI, si mes souvenirs sont bons, je ne voudrais pas dire d'erreur, et un livre sur la passion. Il y avait une ligne, hein, il disait, ils sont proches l'un de l'autre. Ouais. Et puis chez un auteur, on peut dire ce qu'on pense à la radio libre, que j'aime pas beaucoup, qui s'appelle Philippe Solers. Oui, vous le citez dans votre... Là, j'ai trouvé quatre lignes sur lui. Philippe Solers, d'ailleurs, dans un livre qui était daté de l'an 126, si mes souvenirs sont bons, parce que Philippe Solers, qui est un Nietzschéen conséquent, a décidé de dater à partir de la nouvelle ère de l'humanité qui commence le 30 septembre 1888 à Turin, justement. Oui, oui. Bon, mais même quatre lignes, c'était quand même pas beaucoup, quoi. Et là, j'ai eu cette intuition. On a du temps devant nous, donc tout de suite après, je vous dirai pourquoi j'ai eu cette intuition. Mais j'ai eu cette intuition que cette proximité géographique, eh bien, était peut-être le signe d'autre chose. Hein. Et là, je vais faire une parenthèse pas très très longue, mais je vous parlais de Sœur Jeanna qui n'a rien à voir avec Nietzsche. Sœur Jeanna, c'est la fondatrice des Sœurs de Schoenstatt en Tchécoslovaquie. Oui. Je l'ai rencontrée au lendemain des événements de 89 à Prague. Et elle m'a raconté une histoire dont la morale de l'histoire, si je peux dire, m'a particulièrement frappé. Donc ce sont des sœurs qui ont été liquidées comme toutes les religieuses à l'époque du communisme, elle se souvenait que le père Kentenich, le fondateur de Schoenstatt, lui avait dit « Si un jour vous avez des ennuis, couronnez la Vierge Marie hein ». Drôle de suggestion, on va pouvoir penser. Mais donc les sœurs avaient de sérieux ennuis, surtout que très vite elles ont été mises dans des camps de concentration, tout ça. Quand elles en sont sorties, elles se sont dit « On va faire une belle couronne à Marie ». Et comme elles avaient de gros ennuis d'être religieuses en Tchécoslovaquie communiste où en l'an 2000 la religion chrétienne aurait dû disparaître, c'était vraiment des ennuis sérieux, elles se sont mises dans la tête de faire une couronne en or et en diamant. Elles n'avaient pas un sou, elles étaient ouvrières d'usine. L'affaire a mis presque 40 ans, hein, là, 50 jusqu'à 89. Finalement, elles ont réussi, après les épisodes sur lesquels je passe, c'est pas le sujet, mais aller dans une toute petite chapelle au fin fond dans les montagnes du nord de ce qui est aujourd'hui la République tchèque, de Tchécoslovaquie, où ils avaient une petite chapelle clandestine parce qu'elle était tellement perdue au fond que personne ne la connaissait. Et là, les sœurs ensemble ont couronné la Vierge Marie. Elles se sont dit, c'est toutes ces dizaines d'années qui arrivent. Elles sont rentrées à Prague. Le régime communiste était tombé à l'heure où elles avaient couronné. Et alors, sœur Jeanne m'a dit, j'ai jamais oublié, m'a dit, je veux pas dire que c'est nous qui avons fait tomber le régime. Mais ça veut dire que, il y a des affleurements qui montrent que l'histoire telle qu'on la voit, et puis le grand réel, c'est ce qu'il y a derrière, mais des fois il y a des affleurements, et je me suis dit, c'est pas possible que ça n'ait aucun sens que Nietzsche, et puis alors, un homme qui a tant d'influence sur le monde d'aujourd'hui, que Nietzsche soit devenu fou à deux pas du Saint-Suaire, et donc ma première idée était d'essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. J'avais écrit un petit texte d'une vingtaine de pages, mais très vite, c'est parti dans deux directions. La première, c'est que, étant historien de formation, hein, avant de partir dans l'humanitaire, dans le tiers-monde, puis à l'église en détresse, hein, pendant près de 30 ans, je me suis tout de suite rendu compte, en lisant deux, trois choses sur Nietzsche à Turin, alors, en français, il y a quasiment rien, hein, là, il y a un livre italien de Verrecchia que j'ai failli voir, mais il est mort juste quelques semaines avant que j'aille le rencontrer, qui est certainement le livre le plus fouillé, parce que c'est un Turinois, mais c'est quelqu'un qui n'avait strictement aucune sensibilité religieuse. Donc ce que je découvrais petit à petit de la dimension religieuse ou de combat contre Jésus chez Nietzsche, j'ai trouvé, on en reparlera quand même, un mot sur un moine qui faisait de l'argent, qui s'appelait un certain Agostino de Montefeltro. Oui. C'est là où j'ai lu son nom, la seule fois où je l'ai lu au départ. Donc à part ça, et en partie en langue française, quasiment tout ce qui est écrit sur Nietzsche en général, et Nietzsche à Turin en particulier, c'est pas écrit par des historiens de métier. Et c'est d'ailleurs une chose étonnante, en 2015, sauf erreur de ma part, il y a des études sérieuses d'historiens sur tel ou tel point, en particulier sur la jeunesse, là il y a des très bons livres, mais aucun historien de métier n'a encore publié une vraie biographie. On en a en trois volumes, on a tout ce qu'on veut, mais c'est écrit par des journalistes, un musicien, d'orchestre, la plupart, ils prennent ce que dit Nietzsche comme la base de la vie de Nietzsche. Or, le gros problème avec Nietzsche, c'est qu'il a une relation avec la vérité assez mouvante, oui. Très, très particulière. il lui arrive d'ailleurs de la comparer à Baobo, qui est une déesse grecque pas très connue, mais qui est une déesse obscène. Hein, donc, ça montre la grande estime qu'il a pour lui. Donc, la première direction dans laquelle je suis parti sans l'avoir prévu au départ, c'est la direction historique. C'est que il fallait un peu savoir ce qui s'était vraiment passé pour Nietzsche pendant ces derniers mois de sa vie lucide avant de s'effondrer dans une rue de Turin. Et ça m'a quand même mené assez loin dans les travaux. Hein, et ça fait un tiers du livre pour Nietzsche en général et un deuxième tiers pour Nietzsche et la religion. Oui, hein, oui. Mais ça, on va sans doute revenir dessus, donc je ne fais que le citer. Et puis la deuxième direction, je suis tombé, alors je ne sais plus quand, si c'est 2010, c'est tout ça. À l'époque, je travaillais beaucoup sur John Bradburn, hein, sur lequel j'ai publié un livre aussi de recherche historique sur lui. Une phrase du pape Paul VI, le dernier jour du Concile Vatican II. Hein, donc le dernier jour, c'était le 8 décembre, comme c'était ouvert le 8 décembre, mais c'était les célébrations, mais le dernier jour de travail, si je peux dire. Donc, le discours du pape à la clôture du concile. Et là, le pape dit ceci, en notre temps, notre religion, la religion de Dieu qui s'est fait homme, s'est heurtée à une religion, et même il ajoute une incise, hein, car c'en est une religion, hein, celle de l'homme qui se fait Dieu. Hein. Mmh. Et plus tard, pas dans ce discours-là, mais plus tard, quand il parlera de Nietzsche, quelques années plus tard, il n'y a aucun doute qu'il connaissait son Nietzsche, et que je ne veux pas dire qu'il ne parlait que de Nietzsche, mais il parlait de l'homme moderne en général. Oui, mais Nietzsche aurait été une sorte de prophète de cette nouvelle religion. Voilà, aurait été une sorte de prophète, de miroir, de prédicateur. On peut déjà citer une phrase de Nietzsche qui montre quels sont les enjeux ici. Nietzsche écrit comment pourrait-il y avoir des dieux si c'était pas moi, hein? Donc on est en plein là, dans la religion de l'homme qui se fait Dieu, et on connaît son histoire même, à Turin le montre, c'est qu'il a pris au sérieux ce qu'il avait dit, quoi, avec bien sûr le petit ennui, c'est qu'il n'était pas seul sur Terre, et que depuis, non seulement beaucoup ont repris la même idée, hein, soit jusqu'à la folie, je pense Antonin Artaud ou d'autres, soit de façon un peu moins visible, mais c'est par exemple une des bases, pas la seule, il y a des choses honnêtes dedans, mais c'est quand même souvent une des bases de la publicité, c'est de vous faire croire que vous êtes un petit dieu à laquelle tout est dû, hein, là, c'est bon. Donc, là, et Paul VI continuait en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Un choc? Il dit non, nous, notre règle, c'est, enfin, il dit non, le choc il est là, hein, mais il dit nous, notre règle, c'est la parabole du bon samaritain. Et c'est étonnant, là. Et quand on réfléchit deux minutes, effectivement, Nietzsche lui-même, alors ça on va le voir dans le détail, mais l'homme moderne lui-même, il aura beau faire tout ce qu'il veut, c'est Dieu qui est Dieu. Hein. Donc il y a bien sûr quelque chose de prométhéen et même de satanique dans l'aspiration, dans cette volonté de se faire Dieu à la place de Dieu. D'un autre côté, il y a quelque chose de totalement ridicule, pitoyable, minable, enfin, quels que soient les mots qu'on dit. Certains l'ont dit, quoi. Le grand problème de l'homme moderne, c'est pas qu'il est trop orgueilleux, c'est qu'il a presque plus rien, il veut simplement être le maître de l'univers visible, alors que Jésus, le Christ, lui propose tellement plus, le Créateur, hein, l'amitié et l'union avec le Créateur, la communion avec lui. Non, là, et Nietzsche en est le premier exemple, la parabole du bon samaritain. Et là, je passe de fil en aiguille, mais j'y arrive. J'aime beaucoup les pères de l'Église, je fréquente assez souvent, et je savais que l'interprétation moderne de la parabole du bon samaritain existait déjà à l'époque des pères, je dirais l'interprétation morale, hein, qui est mon prochain, bon, regarde cet étranger, il le met sur son âne, tout ça, la monture, il emmène, tout ça, c'est absolument pas contre, hein, mais c'est une interprétation qui en fait approfondit cette interprétation plutôt morale, je dirais paranétique de la parabole dans notre monde actuel. Pas mal de pères en avaient une interprétation christologique. Le bon samaritain, c'est Jésus, et l'homme blessé, c'est l'humanité. Et donc Jésus, d'ailleurs, qui se salit parce qu'il prend cette humanité blessée sur la croix, et comme le bon samaritain, l'homme est blessé, plein de sang, donc il salit seulement ses vêtements dans la parabole, mais là Jésus, la salissure est beaucoup plus forte, hein, c'est son sang, hein, il le paye lourdement de le charger sur ses épaules, sur la croix, et là, quel est le lieu où c'est le plus visible, sinon le Saint-Suaire. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, là, j'ai dit, voilà, le Saint-Suaire, c'est peut-être la réponse de Jésus. Parce que dans ce face-à-face, qui a fait l'objet déjà d'un certain nombre de livres, pas énormément, mais enfin de quelques-uns, entre Nietzsche et Jésus, on sait ce que Nietzsche pense. Il l'a écrit, hein. Et par rapport à des livres qui datent d'il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, aujourd'hui, tout ce que Nietzsche a écrit, il est disponible. Hein, en allemand, mais il est disponible. Hein, là, beaucoup, pas tout en français, mais beaucoup en anglais aussi ou en italien. Donc là, on peut le savoir, on peut le regarder, tout cela, on va le voir d'ailleurs. Mais quand vous avez un combat, ils sont deux. Et donc la question, c'est qu'est-ce que Jésus répond, hein? Et là, bien sûr, le mieux, c'est de lui demander dans la prière, hein, mais c'est une question qui a beaucoup travaillé un Nietzschéen devenu chrétien, qui est Charles Dubos. Hein. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, parce que c'est Ça aussi, ça fait partie d'un ensemble, je veux dire, mais ça m'avait frappé, ce que je savais depuis un bout de temps, que Charles Dubos avait offert son agonie pour Nietzsche, hein, et que c'était le dernier mot qu'il a prononcé avant de mourir, c'est le nom de Nietzsche, hein, et qu'avant, il le dit d'ailleurs une fois dans le milieu des années 30, très clairement, qu'il aurait voulu écrire un livre sur Nietzsche et le christianisme, justement, que finalement, il ne l'écrira pas, que sa mission est ailleurs, c'est de prier pour Nietzsche, hein. Donc, là, je ferme la parenthèse sur Charles Dubos, qui est d'ailleurs une très belle figure et qui, oui, quand même, on connaît, il revient un peu, c'est intéressant. Et alors, donc, j'ai dit, tiens, je vais méditer le suaire comme élément qui nous permet d'entrevoir, hein, la réponse de Jésus à Nietzsche. Hein. Et alors, méditer Saint-Suaire, bien sûr, le mieux, c'est d'y aller, que vous le voyez ou non, c'est de prier devant, hein, je l'ai fait plus d'une fois. Hein. Mais là aussi, assez rapidement, j'ai trouvé des textes magnifiques, les méditations des papes successifs devant le Saint-Suaire. Hein. Et donc, la dernière partie du livre, ce que nous pouvons essayer de saisir de la réponse de Jésus à Nietzsche, hein, avec un petit appendice, et Nietzsche après, hein, sur lequel on reviendra peut-être en conclusion, c'est les méditations des papes devant le Saint-Suaire nous offrent une trame magnifique. Les papes pour qui Nietzsche représente quelque chose, ce sont les premières lignes du livre, hein. Là, c'est quand même assez surprenant, et ça, tout le monde peut faire la vérification si il ne croit pas ce que je vais dire maintenant. Je lis les trois premières lignes. On connaît le rôle capital pour un pontificat d'une première encyclique. Au début de celle de Benoît XVI et du pape François, un nom apparaît, celui de Nietzsche, dans les premières pages de l'encyclique de Benoît XVI, à la première page de celle du pape François. Si on avait le moindre doute sur l'importance de Nietzsche pour le monde actuel, en voilà un signe qui nous le montre du doigt. Hein. Donc c'est bien la justification de votre livre et puis aussi de cette émission. Voilà. on a planté le décor, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on est à Turin en 1888. Qui est Nietzsche à ce moment-là? Voilà. Alors, là, je vais vous renvoyer votre question. Qui est Nietzsche? Le mythe Nietzsche ou le vrai Nietzsche? Alors, le vrai Nietzsche, qui est-il? Oui, bien sûr, parce qu'après, on verra comment sa sœur a bâti une légende. Tout à fait. Et comment lui-même a commencé à se bâtir le mythe. Donc, comment peut-on le savoir? Il y a ses lettres, bien sûr, qui sont prises avec précaution. Oui. Même la plus grosse bibliographie, celle de Hans, qui fait 1600 pages, il n'y a pas énormément de choses, quelques dizaines de pages sur Turin, mais donc la lettre la plus importante par la quantité, la longueur de Nietzsche, qui est une lettre à Georg Brandes, pour une fois, ce qui n'est pas coutume, parce que Hans, c'est un Nietzschéen fervent, je dirais, il y a des dévots de Nietzsche, dit que tout est faux. Il y a peut-être 20 ou 25 affirmations, il y a quand même 2 ou 3 qui ne sont pas fausses. Hein. Mais bon, donc là, je nuance un tout petit peu pour une fois, Jean, qui généralement a les yeux fermés devant Nietzsche. Là, donc, mais elles apprennent quand même des choses, ne serait-ce que quand Nietzsche écrit à un correspondant qu'il est en train non seulement de couper l'histoire de l'humanité en deux, mais qu'il est en train de couper l'histoire de l'univers en deux, on peut quand même se poser quelques questions sur l'homme qui écrit cela, quoi. Non, il y a ce que Nietzsche écrit lui-même, à travers aussi les réponses de ses correspondants, les lettres de ses correspondants, on peut savoir quelque chose. Il y a le fait d'ailleurs qu'il se fâche avec quasiment tout le monde. Hein, donc là, et même peut-être qu'un des deux derniers qui restait, il y aurait eu 15 jours de plus, c'était en train de mal tourner, hein, Overbeck. Hein, drôle de personne aussi, Overbeck, un théologien athée qui formait les pasteurs. Hein, et quand ses paroissiens sont allés se plaindre auprès de l'université de Bâle, qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Donc c'était la deuxième moitié du 19e. Déjà à cette époque, les autorités universitaires leur ont dit « c'est votre problème, c'est pas le nôtre » et ils l'ont gardé. Hein. Donc comme quoi il y a des problèmes qui datent pas d'aujourd'hui, des fois dans ce domaine. Je reviens à dire, donc les sources dont il y a ces livres aussi, bien sûr, hein, quand une fois qu'on les comprend, il y a des témoignages sur lui. On en a, hein, il y a des gens qui, une fois que Nietzsche est devenu connu, sont allés interroger les les gens ce qu'ils vivaient, des gens. Alors, il était dans une telle solitude que c'est très très limité, mais on a quand même des témoignages. Puis après, il y a un travail d'historien. Je vais donner un exemple précis. Alors, c'est pas l'anti-Nietzsche dans mon livre, hein, parce que c'est d'abord les deux ne se sont jamais rencontrés, mais je dirais c'est un contrepoint que moi je trouve absolument extraordinaire, peut-être même providentiel à Nietzsche, qui est Agostino de Montefeltro. Oui. Hein. Donc là, vous l'avez mis en lumière vous-même hein, dans Famille chrétienne, hein, dans votre lecture, et je vous en remercie parce que ça a vraiment été pour moi une... C'est une figure extraordinaire. C'est une figure extraordinaire. Alors, pour situer un petit peu, c'est pour montrer où est le travail d'historien, parce que c'est un des points, il y en a quelques autres sur quoi je pense avoir... écrit des choses qui n'avaient jamais été écrites. Dans le livre de Verrecchia, il y a une demi-ligne sur Agostino, donc un moine qui faisait des sous, qui était venu à Turin. Bon, premier contact, entre guillemets, entre Nietzsche et Agostino, il se rate à la gare, sans le savoir, bien sûr. Simplement, Nietzsche s'est trompé de train, et donc il est resté coincé à Gênes, hein, alors qu'il vient de Nice à Turin, et il arrive le 5 avril avec une journée de retard, et la veille, Agostino a quitté Turin, où il venait de prêcher les prédications de Carême, avec des milliers de gens qui l'accompagnaient à la gare. Enfin, la ville était en ébullition, donc il se rate. Hein. Bon, Nietzsche n'a jamais écrit une ligne sur Agostino. Hein. Mais par exemple, Nietzsche, qui a vécu comme des mois et des mois dans une famille, le nom de la famille dans laquelle il vit, il n'y a pas une ligne dessus. Leur nom n'apparaît nulle part, ni dans sa... Et si, avec des si, oui, on referait l'histoire, mais si Nietzsche, quelques semaines avant de devenir dément, ne s'était pas décidé à donner son adresse à sa mère et à Overbeck, quand il serait devenu fou, personne n'aurait su qui était, parce que avant il faisait toujours poste restante, hein, ça fait partie de la vie réelle de la solitude du dernier Nietzsche. Hein. Et donc là, il ne cite pas plus Davide Fino, hein, son logeur. Hein. Et donc pourquoi s'intéresser à Agostino de Montefeltro? C'était une des rares lignes dans le gros livre de Verrecchia où, sous cet angle très particulier, il y avait quand même quelque chose de religieux dedans. Donc je dis, là, il faut chercher un peu. J'ai trouvé les sermons d'Agostino à Turin en 88, même d'autres d'ailleurs aussi. Il y a eu deux biographies qui ont été faites dans les années 40-50, puis un livre plus récent sur sa jeunesse. Et au fur et à mesure que j'ai découvert Agostino, j'ai découvert un personnage que moi je trouve absolument extraordinaire, qui démarre très mal dans la vie. Oui, oui. Hein. Et là, il y a un livre entier écrit par des Italiens, deux Italiens sur lui. Bon, c'est un garçon intelligent, à l'époque où ça arrive souvent, il est mis au séminaire, il sort prêtre sans trop savoir si c'est la vocation du nom, il commence à ruer un peu dans les brancards, parce qu'il est plutôt patriote italien au moment où c'est la guerre, au sens propre du terme, les années 60-1960, entre les Savoies et le pape, pour les états pontificaux. Donc finalement, on l'envoie dans le village où on est originaire. Et là, il commence à, disons, compter fleurettes à quelques jeunes filles du village, et puis avec une autre, ça va plus loin. La demoiselle tombe enceinte, il s'enfuit avec elle, donc on est en plein romantisme noir d'une certaine façon, surtout quand... Il se réfugie en Suisse, il ne trouve pas de travail, alors lui se suicide. Bon, il se rate. Hein. Bon, évidemment, elle revient au village, il revient aussi. Et puis, évidemment, il apprend qu'il n'était peut-être pas tout seul avec la demoiselle en question. Donc, la famille de la demoiselle demande une somme faramineuse pour l'époque contre le prêtre séducteur. Il est mis en prison, dans une prison ecclésiastique, savoir qu'il est enfermé à l'Alverne. Hein. Fameux couvent de Saint-François. Là, enfin, c'était pas à l'époque de Saint-François, il était dans les grottes, hein, mais couvent franciscain de l'Alverne. Et bon, ça aurait pu être une histoire, genre plutôt pour faits divers qu'autre chose. Si Agostino, semble-t-il, assez rapidement, il donne pas de date, mais sans doute première ou deuxième année, n'avait connu une conversion absolument radicale. D'ailleurs, la raison pour laquelle Luigi, c'est son prénom d'état civil, devient le frère Agostino, il demande à rentrer chez les franciscains. Il va y rester d'ailleurs au total près d'une quinzaine d'années sinon à l'ombre, du moins discret. Hein, là, on rigolait pas avec ce genre d'affaires à l'époque. Hein, et il en ressort, pour commencer comme franciscains qui étaient des prédicateurs, des prêcheurs ambulants, dans les petits villages. Et là, très vite, on découvre que c'est un homme, qui, un religieux qui a une parole forte. Hein, là. Et en 2-3 ans, il devient comme, je dirais, comme l'accordaire en France, c'est-à-dire le prédicateur. Ça commence à Bologne, à Pise, à Florence, à Turin, à la demande du pape Léon XIII et l'année suivante à Rome. Hein. Et donc en 1888, il fait des conférences de carême un monde fou. La trentaine de conférences qui attirent des milliers et des milliers. On a un chiffre pour l'année suivante, jusqu'à 35 000 personnes dans la grande église San Carlo et autour. Et comme en plus, à ce moment-là, il y a une bombe qui saute pour le faire taire. Dieu merci, il se passe rien parce qu'il a la présence d'esprit. Il n'y a pas de micro, hein, de crier que personne ne bouge, hein, et tout se passe. Enfin bien, si on peut dire. Hein. Agostino ne cachera jamais. Hein. Il le dit dans une des conférences de Carême à Turin, mais il le dit toujours. Il dit vous savez tous, parce que c'est une époque de lutte qu'on n'a plus idée entre l'État italien et le Saint-Siège et le pape. On se promène dans les rues avec les étendards où il y a Satan dessus. Hein, là, c'est le fameux monument Giordano Bruno, ça c'est 89, cette époque. C'est la législation justement qui a sans doute influencé Nietzsche, qui visait en fait à mettre tous les prêtres italiens dans une situation impossible. C'est une législation qui a inspiré en France un peu la loi de 1901 et tout cela. Donc, elle-même déjà inspirée de Kulturkampf de Bismarck. Enfin, là, tout se tient toujours en Europe. Mais on est dans un moment de guerre et Turin est sinon le seul épicentre. Il y a Rome aussi, mais un des deux, je dirais, épicentres de cette guerre entre l'Église et l'État. Léon XIII, tout simplement, envisage de partir à Bruxelles. Tellement là, sa situation est devenue impossible. Crespi, juste avant de devenir Premier ministre, dit que la théorie des deux Roms, qui était la théorie officielle depuis la chute de Rome, malgré les oies pontificaux français, donc depuis 70, là, la théorie des deux Roms, la Rome du roi et la Rome du pape, que c'est une théorie tout à fait provisoire, qu'il y a une seule Rome et qu'il peut y avoir une seule Rome. Et du côté de Crespi, il ne peut y avoir aucun doute sur laquelle Rome il s'agit. Donc, et il devient Premier ministre. Donc la guerre ouverte, que ce soit les milieux de franc-maçonnerie qui sont ouvertement anti-religieux, que ce soit des milieux protestants, bien sûr, mais aussi des milieux qui des fois, on ne sait pas exactement, flirtent avec le satanisme. Carducci, qui deviendra, il aura mis de l'eau dans son vin, et le père Agostino, il sera sans doute pour quelque chose quand il deviendra prix Nobel, des tout premiers prix Nobel au début du XXe siècle. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait écrit un long, long poème, l'hymne à Satan, qui doit faire 200-250 pages selon les versions. Et que, par exemple, quand Nietzsche est à Turin, ce poème est déclamé au Grand Théâtre de Turin. Hein, donc c'est des périodes de tension extrêmement fortes. Hein, et mon Agostino, là-dedans, quel est son génie de prédicateur? C'est aussi celui de l'accordaire, mais simplement une génération et demie est passée à ça. À savoir qu'il prend les problèmes des personnes au milieu desquelles il vit. Hein. Qu'est-ce que la foi? La foi et la raison, la science et la foi religieuse, les problèmes politiques, comment vivre en chrétien dans un monde par rapport à la technique. Enfin, il prend tout cela. Sur le fond, c'est un grand dévot de la Sainte Vierge, il est très fidèle au pape, mais il prend le langage des gens, il travaille pendant un an, parce qu'il fait une série de prédications par an, et le succès est incroyable. Il parle le soir, il y a des sténographes, pas encore d'enregistrement à l'époque, et le lendemain matin, alors j'ai trouvé le chiffre de 30 000, c'est pas précisé si c'était à Turin ou l'année suivante à Rome, mais il y a des milliers de brochures, hein, de ce qu'il a dit la veille au soir, qui circulent dans toute la ville. C'est juste deux ans et demi après les lois internationales sur copyright, qui bien sûr en Italie ne sont absolument pas respectées à l'époque, il faudra du temps, hein, d'ailleurs pas seulement en Italie je suppose, hein. Et or, une des deux personnes qui fait transcrire en sténo, qui le produit le lendemain, puis qui produit tout dans un seul volume, eh bien, c'est tout simplement Davide Fino, Le logeur de Nietzsche. Hein. Donc Nietzsche en a entendu parler. Alors Nietzsche, oui, sans doute qu'il les a pas lus parce qu'il lisait en fait très très mal l'italien. Hein. Mm-hmm. Mais Davide Fino. Alors Davide Fino, faire un jeu de mots, c'est pas très gentil sur le nom de quelqu'un, mais il est quand même Fino parce qu'il publie les prédications du père Agostino, mais le lendemain ou le surlendemain, il y a des conférences contre les prédications qui reprennent, qui décortiquent par le chef de l'église méthodiste qui est un ancien catholique et donc qui sont virulentes. Et c'est Fino qui publie les deux. Mmh. Donc il joue sur les deux tableaux. Voilà. Et donc, Nietzsche devient fou, il donc, part. Donc Nietzsche, alors oui, pour revenir à ma question, qui est Nietzsche quand il arrive à... Oui, alors je termine simplement sur, pour expliquer pourquoi je parle quand même assez longuement d'Agostino. Donc Nietzsche devient fou, il n'y a pas une ligne sur Agostino dans ses écrits, encore une fois sur Davide Fino non plus. Or quand Nietzsche est fou, les premières années, après ça disparaît, mais des fois il parle. Et sa maman recopie ce qu'il dit, des choses qu'elle ne... comprend pas, parce que c'est une brave dame du fin fond de la Saxe. Et à un moment, il parle d'un certain Padre Agostino, qui a parlé avec une grande éloquence, tout cela, qui parlait sur la Sainte Vierge. Bon, il y a des choses qui ne sont pas très justes, mais c'est... Nietzsche doit parler de 5 ou 6 personnes dont on sait qu'il a parlé étant fou, c'est la plus longue des références. Hein. Et là... d'un seul coup, quand je suis tombé là-dessus, pas tout de suite, hein, très très longtemps après, quand on a édité, parce qu'ils ont été édités en allemand et en anglais il y a une dizaine d'années, ou un tout petit peu plus, les carnets de la maman de Nietzsche, je me suis dit, mais voilà, le petit chaînon manquant, qui fait que Nietzsche, il a entendu parler de lui. Et donc, c'est intéressant de parler de cet Agostino. 6 mois après ces conférences, elles étaient publiées aux États-Unis en anglais, sauf celle sur la Sainte Vierge, par les protestants. Ah oui. Et on le donnait comme modèle dans les séminaires protestants aussi bien que catholiques, hein, pour dire l'impact qu'a eu cet homme, hein, qui en plus de ça, alors était, et là aussi, c'est le contrepoint de Nietzsche, non seulement il était un immense prédicateur, mais il a recueilli des centaines et centaines d'orphelines qu'il a emmenées à les études universitaires, parce qu'à l'époque, il a créé le père fondateur d'une congrégation féminine essentiellement au départ d'orphelines. D'ailleurs, quand il est mort en odeur de sainteté dans les années 20, et on a pensé ouvrir un procès. Quand on a vu sa jeunesse, on a... Oui, il a été réouvert... oui. Je sais plus, 2007, quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelques années. Hein. Donc là, c'est une très très belle figure. Oui. Non, je reviens à Nietzsche, dont j'ai parlé un peu longuement d'Agostino, parce que c'est important d'en parler. C'est une des découvertes. On pourrait parler de Brahms, enfin Brahms, c'est pas une découverte, mais de la relation Nietzsche-Brahms. Une des découvertes, c'est ce Padre Agostino qui a une des prédications est sur le Saint-Suaire. Donc c'est vraiment intéressant aussi à travers ce que lui dit Saint-Suaire. Correspond tout à fait à ce que disent les papes un siècle plus tard. Hein. Ils voient dans le Saint-Suaire, pour dire l'essentiel, essentiellement les 3 vertus théologales que le Christ nous pose. Et en reprenant ce que dit le pape François devant le Saint-Suaire dans ses jours, ce qui est important vis-à-vis du Saint-Suaire, ce que la théologie spirituelle nous dit vis-à-vis des icônes, c'est bien sûr de les regarder, mais surtout de pas oublier que c'est elle, donc c'est lui, là, dans le cas du Saint-Suaire, c'est l'homme du Suaire qui nous regarde. Hein. Oui. Donc se laisser regarder, et à partir de là, commencer à prier, et non pas prier pour uniquement soi, et avec soi. Et ça c'est déjà le sens de ce que dit, c'est l'amour qui nous parle, c'est la charité qui nous parle. Hein. Alors je reviens à Nietzsche, Nietzsche a Turin, bon, c'est relativement simple. Voilà un homme qui a 43, 44 ans, hein, et 44 anniversaire se passe à Turin, qui en fait déjà un certain nombre d'années de plus, qui est malade, sans doute une syphilis, même si c'est discuté, que ça sera toujours discuté, sauf si un jour on roule le cercueil et qu'on trouve quelque chose. Non, mais en tout cas, une maladie mentale, ce qui fait que déjà... 15 années avant, il y avait déjà qui disait non, cet homme est fou, hein, là. Et quelques semaines avant son effondrement dans la rue et qu'on l'amène à l'asile psychiatrique à Bâle, une correspondante de Brahms lui écrit en disant mais cet homme il va finir dans un asile, hein, là, dans une lettre à Brahms, hein, c'est du mois d'octobre, début novembre, là, vraiment c'est là. Donc un malade. un homme d'une solitude incroyable. Alors bien sûr, il habite dans une famille, donc il a un peu de contact. Il a certainement donc des discussions, on vient de parler de Pierre Agostino, quelques discussions. Il joue du piano à quatre mains, d'ailleurs surprenant, alors qu'il écrit deux livres contre Wagner dans l'année. Il joue que du Wagner, ça fait partie de... Ça fait partie des contradictions. Voilà, ça fait partie de Nietzsche, ça. Et il joue avec la fille aînée. Par contre, la deuxième, qui est plus jeune, qui est une adolescente, se moque de lui. Donc, ça doit être en plus pas facile. Elle, je sais plus, je crois qu'elle a 16 ans, 15 ans, 16 ans. Donc, on voit le Nietzsche avec la grande moustache, tout ça. C'est qui se promène dans la rue avec un petit verre pour pouvoir aller prendre un peu d'eau. Et toujours le même plaid. Mmh. Il est très facile, disons, de se moquer de lui. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est 88 ou 87, parce qu'ils n'ont pas dit l'année, mais quand il part quelques semaines dans les Alpes, à Sils Maria, là, dans Gadine, il y a des sales gamins du village qui remplissent son parapluie de cailloux. Mm-hmm. Ce qui fait que quand il prend son parapluie, il l'ouvre, plaf, il prend tous les cailloux. Hein, là, Derrida qui a écrit un chapitre entier sur une phrase de Nietzsche, j'ai oublié mon parapluie. Alors, je ne sais pas si c'est un lien ou non. Derrida ne connaissait pas l'histoire, visiblement, mais c'est pour... Donc, la solitude, maladie, se bourre de médicaments. Il a un homme qui est c'est un aboulique. Hein, il est un. Alors je parle du Nietzsche de 88. Hein, je précise. Parce que il y a eu tout un tas de phases dans sa vie, mais déjà ça m'a pris 3 ans sur 88. Donc là, je m'arrêterai là parce que c'est pas vraiment mon sujet. Je dirais au sens que la personne que j'aime le plus, hein, même si j'ai beaucoup, on ne peut pas ne pas avoir de la pitié pour l'homme. Hein, je parle pas de l'œuvre, mais pour l'homme, il s'embarque dans une histoire, dans la première version du livre, j'avais mis acte 1, acte 2, acte 3, l'histoire du poil. Hein. Verrecchia, toujours méchant, parce qu'il c'est un schopenhauerien, ça existe. Hein. Donc il n'est pas nietzschéen. Or, Schopenhauer, avant Nietzsche, était la grande vedette intellectuelle de l'Europe. Donc il a dent d'autant plus dure contre Nietzsche. Hein, là, comme je dis dans le livre, bien sûr, un petit sourire en coin. De même qu'il reste aujourd'hui au fin fond de l'Irak quelques mandéens, donc les disciples de Jean-Baptiste. Mmh. Hein, donc là, Verrecchia, c'est un peu de cette catégorie-là, je dirais, par rapport à Nietzsche. Donc dès qu'il peut dire quelque chose de méchant sur Nietzsche, et il a écrit un livre qui s'appelle Le poil de l'Antichrist. Mmh. Et au moment où Nietzsche écrit, donc il est en train de devenir Dieu, qu'il est l'Antichrist, tout ça, l'hiver va arriver, comme il est extrêmement frileux et douillet, et qu'il n'a pas confiance dans les Italiens, il fait venir d'Allemagne un poil. Mmh. Hein, et puis, crac, voilà qu'il apprend que ce poil poserait quand même quelques problèmes. Quoi. Donc, il envoie l'aide d'insultes sur le poil, mais il lui répond en disant que finalement, il est bien, donc il se laisse avoir. En fait, il a disparu peu de temps après, ce poil, donc il ne devait pas être si bien que ça. Mais là, ça l'occupe. Au moment où il est en train de préparer, comme il envisage de tirer à plus d'un million d'exemplaires, peut-être même dans chaque langue, c'est Etchomo, l'Antéchrist, tout ça. Donc, au moment où il est en train, puis il est en train de préparer ce qu'il faut appeler un mouvement politique pour prendre le pouvoir sur la Terre. Parce que là, comme il est Dieu, il n'est pas normal que Dieu ne soit pas au pouvoir. Donc au moment où il est dans ses rêves de mégalomanie totale, il passe un temps fou à régler les affaires avec un éditeur. Il faut dire que l'éditeur, on le comprend un peu, il se vendait au mieux un livre de Nietzsche par jour, hein, et plusieurs livres, hein, parle pas de chacun, hein, tout ensemble. Donc, on comprend que l'éditeur, ça soit pas son auteur préféré. il se bat avec des choses, hein, parce qu'il comprend pas la lettre de l'éditeur, tout ça. Donc, le poil, et c'est démêlé avec ses éditeurs, c'est une bonne partie de sa dernière correspondance, sauf quand il dit, donc, qu'il distribue les places, tout ça, qu'il est en train de prendre possession de la Terre, peut-être même de l'univers, hein. Donc, une vie triste, et qu'en plus, il suffit presque qu'ils disent quelque chose sur lequel on ait un moyen de regarder un peu, et qu'on aperçoit que c'est pas vrai. Je prends un tout petit détail. Il dit qu'il est extrêmement généreux dans ses pourboires, hein, et que les garçons, ils sont courbés en 12 heures. Il ne décrit pas comme ça, mais c'est le sens, tout cela. Bon, manque de chance, on a le Baedeker de l'époque, hein. Donc il suffit de regarder dans le Baedeker. Et le quoi, le? Le Baedeker. Le Baedeker, ce sont les guides de voyage. D'accord. Hein, là, les premiers après. Que... Donc on a un guide de voyage et on dit à Turin, bon, on donne, j'ai oublié le chiffre exact, mais en fait, il était paradin, mais il était un petit peu en dessous de la moyenne de ce qui était demandé de donner. C'est un exemple, pardon. Alors, plus profondément, parce que ça, là, on touche comme un des mythes qui est dû à sa sœur, qui est dû aussi à lui, parce qu'il l'a écrit. Le Nietzsche, tellement pris par la régénération de l'espèce humaine, si on peut dire, enfin, de l'humanité, avec le surhomme créé, tout ça, qu'il vit dans la pauvreté la plus extrême. Un très honorable professeur de la Sorbonne, aujourd'hui à la retraite, mais écrit que Nietzsche était tellement pauvre à Turin qu'à l'époque, on avait des chemises avec des boutons de manchette. Mmh. Et donc, il n'avait pas l'argent pour acheter des boutons de manchette et qu'il mettait des vieux bouts de ficelle graisseux pour fermer ses chemises. Hein. Bon, alors, il y a 7-8 petites pages en annexe sur le mythe du Nietzsche pauvre. Pour dire simplement, j'ai été chercher. Mmh. Je ne dis pas que c'est tout à fait facile à trouver, mais on peut trouver, déjà en Italie en 1888, comme en France, comme en Suisse, comme en Allemagne, il y avait déjà des statistiques, donc combien gagnaient les gens, quel était le prix moyen des loyers, tout ça, c'était déjà, on le faisait déjà. Donc, on peut trouver ces données, et c'est simple, le revenu de Nietzsche, qui avait même pas été 10 ans effectivement enseignant, qui avait le droit à une retraite, ce qui n'était absolument pas indu à l'époque, hein, par l'entregent de son ami Overbeck. Il avait en gros ce qu'avait un universitaire français plutôt en début de carrière et un universitaire italien dans le milieu de l'âge, en sachant que l'énorme majorité des universitaires italiens à l'époque de Nietzsche, ils avaient la mama et tous les enfants, et que lui, il était tout seul. Donc en fait, et puis sa fortune, elle était absolument pas négligeable. Donc il avait un revenu qui était des dizaines et dizaines de fois supérieur à celui, disons, du monde ouvrier. Et puis, il avait un capital qui ne le mettait pas dans les très riches, mais qui faisait de lui un rentier. Il était à l'abri du besoin. Quoi. Plus qu'à l'abri du besoin. Il passait l'été... qu'est-ce qui était avec lui là où il était à Sainte Maria, princesse russe, vaguement cousine du tsar, des universitaires allemands, donc Kaftan, c'est aussi, je pense, là, avec Agostino, le deuxième un peu trouvaille, si je dirais, biographique du livre, parce que alors là, ça joue directement sur les œuvres de Nietzsche, hein, le théologien Kaftan, des enfants de grands industriels autrichiens ou anglais, et puis de la noblesse, quoi. C'était la grande transhumance de luxe entre la côte, Nice, et après Turin, il est allé à Turin parce qu'on lui a dit que le climat lui irait mieux, ce qui était d'ailleurs une erreur, mais enfin bon, le mieux que Nice où il venait de passer les hivers précédents, et l'été dans les montagnes à côté de Saint-Moritz. Quoi. Et donc sur le plan des œuvres, alors il est en train de travailler sur son Antichrist à ce moment-là. Voilà, alors il termine contre Wagner, hein, le cas Wagner. Il écrit ce qui est un peu un résumé du Nietzsche qui explique tout par la psychologie, hein, le Crépuscule des idoles. Mmh. Et puis les deux œuvres de l'été et de l'automne, hein, l'Antichrist et Etchiomo. Etchiomo, on va le voir, est directement en lien avec l'Antichrist. Alors, pour comprendre l'Antichrist, et là maintenant on touche au fond, hein, là, peut-être juste une parenthèse sur Nietzsche, parce que sinon j'oublierais peut-être de le dire. Non, une vie, il faut dire les mots, minable, vraiment triste, hein, très triste, on ne peut pas ne pas avoir pitié, quelle que soit son œuvre. Ouais. Et le problème, c'est qu'il compense en écrivant des textes de plus en plus mégalomanes qui vont être pris par argent comptant, comme le summum, le sommet de la métaphysique occidentale depuis Platon jusqu'à lui. Enfin, comme bon, c'est alors que on peut vraiment, on doit même y voir une compensation au fur et à mesure qui s'enfonce aussi dans la maladie mentale. Hein, et puis alors avec toutes ces contradictions, mais ça on reviendra peut-être sur. Donc maintenant je viens. Répondre à votre question, il y a une découverte qu'on peut faire. Je n'aime pas trop utiliser les méthodes quantitatives en histoire, hein, parce que là, on peut passer très vite à côté de choses plus importantes, mais qui sont moins quantifiables. Cela dit, elles ont quand même un petit intérêt. Et si on le met dans de justes limites, le fait qu'un auteur parle ou non d'un sujet, c'est quand même un reflet si ce sujet l'intéresse ou non. Oui. C'est pas un sur N ou F de... Non, c'est pas mathématique, mais... Or, dans le cas de Dieu, Dieu en tant que tel, et plus précisément encore dans le cas de Jésus... Nietzsche, donc enfance de garçon ultra pieux, hein, petit pasteur, tout ça, petit Jésus, même disent certains. Il est fils ou petit-fils de pasteur ? Alors, il est fils de pasteur, petit-fils de deux pasteurs, arrière-petit-fils de je ne sais plus combien. À un moment, ça s'arrête, ça devient débouché, mais c'est vraiment une... Il baigne, et puis en plus, son papa était mort à 5, quand lui avait 5 ans. Et il est programmé, alors qu'il est déjà athée, il commence des études pour devenir pasteur. Hein. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais il en commence. Non, avec une... alors, il faut dire, dans le piétisme allemand, hein, donc dans lequel il n'y a quasiment pas de dogme, tout est dans... le ressenti, hein. Oui. Et il y a des travaux, là c'est surtout les travaux d'anglais qui ont travaillé là-dessus, qui montrent qu'en fait, Nietzsche a changé de religion, mais il est resté piétiste jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il pleurait, hein, la larme facile sur lui-même surtout, hein, que l'essentiel, tout ce qui peut être idée, raison, tout ça, ça n'a, c'est rien du tout. C'est de ça restera dans sa pensée, oui. Et ça restera oui. Tout à fait dans sa pensée. Hein, là, ce qu'il faut, c'est se sentir sauvé. Hein. Oui. Donc c'est extrêmement sentimental. Alors lui ira encore plus loin, puisque le sentimental, ça ira même le physiologique. Hein, il dira que votre pensée, ça n'a aucune importance. C'est la seule importance, c'est la façon dont vous digérez. Hein, et il prétendra expliquer les systèmes philosophiques ou les systèmes de pensée par les régimes alimentaires et des choses comme ça. Quoi, hein, là. Alors... En plus, comme lui, il change au moins une dizaine de fois de régime alimentaire qu'il est incapable de s'en tenir à un, et qui fait en gros généralement le contraire de ce qu'il prône, tout ça. Bon, ça fait partie des contradictions de la vie et de l'œuvre, tout cela. Mais donc, Nietzsche, en 88, Jésus l'obsède de plus en plus. Je crois que le terme d'obsession, il n'est pas exagéré, surtout... ce que je vais dire après. Et donc, quantitativement, le nom même de Jésus revient petit à petit, et puis revient, dans le livre, je ne l'ai plus exactement en tête, mais je ne sais pas, c'est au moins autant pour les 18 derniers mois que pour tout le reste de sa vie, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment, là, encore une fois, c'est qu'un signe, mais c'est qu'un signe au moins, puisqu'il écrit dessus, c'est qu'il y pense. Hein. Et alors, c'est d'autant plus frappant qu'il l'écrit en même temps, noir sur blanc, que chez lui, l'athéisme a été dès sa naissance, qu'il n'a jamais eu le moindre souci religieux, tout cela. Donc, ce qui est fou. Et on sent que plus ça le travaille, plus il proteste que ça ne l'intéresse pas, et plus il écrit dessus. Quoi. Mmh. Alors, l'Antichrist, c'est donc un des deux livres des derniers mois de sa vie. Alors là, il y a une petite nuance qu'il faut préciser en français, c'est que en allemand, der Antichrist, enfin Christ en allemand, ça veut dire... surtout le chrétien. Hein? Qu'on dit ein Christ en allemand, ça veut dire un chrétien, ça ne veut pas dire Jésus Christus. Hein? Là, mais der Antichrist, là par contre, c'est amphibologique, sauf erreur de ma part, c'est le sens du mot français, c'est-à-dire qu'il y a deux significations. Mm-hmm. Hein? Donc c'est uniquement le contexte qui peut permettre de dire si quand Nietzsche ou Kant a parlé de der Antichrist, enfin, quand un auteur met der Antichrist, est-ce que ça veut dire antichrétien ou antichrist, c'est que le contexte qui va le dire. Ouais. Cela dit, Nietzsche connaissait, je pense plus ou moins par cœur, sa Bible, et donc quand il écrit par exemple à une correspondante que attention, c'est moi l'antichrist, il a tout à fait le sens que ça a en français, hein, ouais. Ou d'ailleurs, c'est dans la traduction des sermons sur l'antichrist de mon éditeur, Grégory Solari, que j'avais trouvé ça dans les années 90, dans la plupart des langues européennes, antichristos sont traduits par antichrist. En français, antéchrist, il y a l'essentiel qui passe quand même un petit peu à côté, hein. Parce que hanté, en français, on entend plutôt avant. Oui, hein, oui. Hein, alors que l'antichrist, c'est bien contre. C'est tous les sens ensemble. Hein, contre, en face, avant, qui précède. Mais qui précède en voulant détruire tout cela. Oui. Donc, pour ça que j'ai traduit l'antichrist, j'ai mis l'antichrist, comme on le voit d'ailleurs de plus en plus souvent aujourd'hui, quand réflexion sur cette personnification du mal qui n'est pas Satan, mais dont il faut parler avec ces réalités du mal, avec à la fois elles existent et il faut le dire, et en même temps elles sont, je pense à Soloviov, hein, elles sont peut-être pas ce que voyaient nos ancêtres du Moyen-Âge, enfin qui est un personnage hideux en soi, hein, peut-être plutôt un séducteur. Hein. Ah oui. Et bon, dans le cas de Nietzsche, qu'il ait participé à cette dimension antichristique, si on peut dire, quelle qu'ait été sa personnalité de fond, mais qu'il ait été possédé ou non, je pense, d'une certaine façon, c'est évident, il faut surtout s'accrocher au Christ, je dirais là-dessus. Il écrit l'antichrist qui est surtout un antichrétien. Oui. Ça, il faut le dire, hein, parce que il parle de Jésus, hein, mais il parle surtout contre les chrétiens, hein, avec une virulence contre eux. Il est premier chrétien. Je ne sais même pas si on peut dire ça à l'antenne, parce qu'on peut risquer sous la loi. Mais enfin, Nietzsche est un auteur qu'on peut trouver partout, donc on peut le lire dans oui. l'Antéchrist. Et c'est comme ces juifs polonais, c'est même on les sent. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, donc là, très curieux parce que il est très critique contre les juifs, mais en même temps, il est contre les antisémites. Alors Nietzsche, il réussit à être à la fois, s'il n'y a pas que vis-à-vis du monde juif qu'il est comme ça, à être à la fois anti-antisémite, extrêmement violent. À la fin de sa vie, il voulait faire tous fusiller, tout simplement. Hein, donc ça résout le problème, plus l'anti-antisémitisme. Hein, donc il voulait faire tous fusiller. Il est philosémite, si on peut dire, donc il aime bien les juifs. Et par exemple, il propose puisqu'il voulait créer une race européenne, hein, parce que là aussi, Nietzsche, là-dessus, il n'a pas les... il est pas à notre époque, donc ils utilisent le mot race et le mot d'élevage d'une race. Donc qu'on marie des hobereaux prussiens avec des jeunes filles juives, pour lui, au point de vue de l'Europe, ça serait ce qu'il y aurait de mieux pour une race d'élite, hein, donc philosémite. Il est anti-juif au sens les juifs de l'Ancien Testament. Il a des paroles très très dures, hein, pour l'Israël avant le Christ, et il est antisémite pour les vis-à-vis des juifs polonais et oui. autres. Donc il est tout et il est tout en partie, ça se chevauche quoi. Donc c'est ça qui rend difficile. Une des choses qui est peu connue en France, parce que c'est des travaux qui sont récents et qui, à ma connaissance, n'ont pas été traduits, d'Italiens comme Duriau ou de Norvégiens comme Brobger, Nietzsche a laissé une bibliothèque. Et lorsqu'il lisait des livres, il les annotait. Oui. Donc il les soulignait, annotait, mettait des choses en marche, les cornets. Enfin, non, ils ont étudié sa bibliothèque. Or, ils remarquent que très souvent, quand un thème apparaît chez Nietzsche, il a lu avant ce thème, parfois même le nom proprement dit, hein, il l'a lu dans tel ou tel livre. Il était un gros lecteur, donc il l'a lu dans tel ou tel livre. Hein. Et donc, une des clés pour les contradictions de Nietzsche, en dehors de son génie de la contradiction qui est propre, une des clés, c'est tout simplement que, comme il répète ce qu'il a lu, uniquement dans ses notes, mais souvent aussi dans ses écrits publiés, on trouve des choses contradictoires simplement parce qu'il lisait tout ce qui lui tombait sous la main et que là, il n'avait pas forcément des auteurs d'une seule ligne, donc de la contradiction. Et à propos du Christ, alors pour revenir à cette spécificité, j'ai découvert en lisant votre livre que vis-à-vis du Christ, il a il en est jaloux, il a une relation de rivalité. Oui. Un de ceux, c'est pas le premier, mais un de ceux qui l'ont dit clairement, c'est André Gide, qui est peut-être un des premiers Nietzschéens français, d'ailleurs, avec Alfred Jarry. Surprenant de le trouver là, mais c'est comme ça. Mais il est pas tout seul. Beaucoup l'ont dit. Après, on l'a oublié parce que, en gros, des années 50 jusqu'à une époque récente, Nietzsche était un philosophe tellement important que, par exemple, d'évoquer qu'il y avait peut-être quelque chose à voir avec le nazisme, c'était un crime. Et ça aussi, je cite quelques philosophes honorable, de dire que Nietzsche avait s'intéressé à la religion, non, c'était fini. Dieu est mort, point, à la ligne, on n'en parle plus. En fait, c'était un thème qui le hantait. Et oui, et si Nietzsche propose... Alors, vous savez que Nietzsche a proposé l'élimination des ratés, bon, qu'est-ce qu'on met sous le mot ? Il était beaucoup plus gentil pour les chrétiens, puisqu'il proposait simplement leur castration. donc, il a des paroles très dures. Alors, qu'il ait été jaloux du Christ, la façon dont il le présente est évident. Là aussi, il n'est pas le premier, mais il a poussé Et là, on est, à ma connaissance, que Nietzsche lui-même. Hein. À savoir, pour lui, Jésus de Nazareth était un petit garçon comme tout le monde, qui a eu sa puberté, qui s'est arrêtée, qui n'a pas eu de puberté. Et alors déjà, à l'époque, ça portait un nom que j'ai oublié, un nom scientifique, hein, ce qui fait que ça provoque une maladie mentale, un simplet, qui... alors, bien sûr, il prend un petit fait de l'évangile, et puis il en fait la loi de Jésus, quand Jésus dit qui a touché mon manteau. Alors pour lui, Jésus était incapable de supporter le moindre contact humain, donc parce qu'il est, il se sentait tellement fragile, et donc il a développé en compensation un monde intérieur, un monde de paix, de joie. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Qui, bien sûr, il n'y a pas de Dieu, il y a pas, de, il est mort sur la croix suite d'un malentendu. Tout cela, il a rien à voir avec le christianisme. C'était un, il dit Jésus est le modèle de l'idiot sauveur. Et juste avant de devenir fou, encore dans les, sans doute les dernières semaines, sinon les derniers jours, parce qu'il n'allait pas au jour le jour dans ses cahiers, il parle de l'idiot sur la croix. C'était, il revenait constamment et alors, pour cela, il oublie 99% de l'évangile, bien sûr. Son Jésus, c'est Saint Paul qui est le seul. Alors ça, par contre, c'était déjà une idée qui était à la mode un peu partout. Oui. C'est Saint Paul qui a fondé le christianisme, qui a strictement rien à voir avec Jésus. Et à travers ça, bien sûr, c'est sa jalousie. Et pas seulement sa jalousie au sens où le christianisme, qui doit quelque chose à Jésus, un minimum, qu'on soit chrétien ou non, un minimum de d'honnêteté quand même oblige à le dire, qu'il y a quand même quelque chose à voir entre les deux, hein, sans parler bien sûr en tant que chrétien, mais donc il y a ce côté-là. Et puis il y a ce côté qu'il n'arrivait pas, c'était... L'image va vous sembler sans doute trop familière, mais vraiment, elle m'est revenue plus une fois en travaillant sur Nietzsche par rapport à Jésus. Je crois que c'est dans Tintin au Tibet où le capitaine Haddock, il a un bout de sparadrap, oui. Dont il n'arrive pas à se débarrasser de partout. Voilà, la pensée de Jésus, c'est un peu ça pour Nietzsche. Il fait tout, il l'insulte, il veut l'humilier, il veut dire que ça n'intéresse pas, tout ça. Et puis ça revient constamment. Et les deux derniers jours, avant de s'effondrer dans la rue, il signe la majorité de ses lettres. Le crucifié. Oui. Oui, c'est très curieux. Oui, oui. On va peut-être passer un petit morceau de musique et puis nous reprenons cette émission dans 3 minutes. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Et je reçois aujourd'hui Didier Rance, et, auteur d'un livre, Nietzsche et le Crucifié, un livre passionnant aux éditions Adsolem. Et donc nous parlions de qui se situe donc à Turin en 1888. Alors nous étions en train de parler de cette obsession antichrétienne, même antichristique, on peut le dire, de Nietzsche. Et alors, vous dites dans votre... Il y a quelque chose qui est très important, c'est le rapport de Nietzsche à la vérité. Et vous dites à un moment, il y a chez lui un primat des valeurs vitales par rapport aux absolus de la religion. La pensée d'un philosophe, dit Nietzsche, vaut par sa puissance d'affirmation et sa fécondité dynamique. En fait, le fait que ce soit vrai ou faux... Voilà, pour lui, la raison, la vérité, ce sont comme les vagues, je dirais, à la surface de l'océan. Oui. La réalité, elle n'est pas là, elle est dans la volonté de puissance. Hein. Mm-hmm. Alors Schopenhauer le dit déjà, mais Schopenhauer, vous voyez, une espèce... La puissance avec un grand P, aveugle et en englobant tout et nous dedans. Hein. Et Nietzsche prend un philosophe d'ailleurs peu connu qui est Mailander, celui qui se suscite quand son livre arrive en prenant les livres de son livre. Bon, pour Mailander, c'est deux secondes, mais on connaît tellement peu ces philosophes qu'il a beaucoup marqué Nietzsche. Pour lui, la création de l'univers, c'est la conséquence du suicide raté de Dieu. Un jour, Dieu s'ennuyait tellement qu'il s'est fait sauter il a raté et l'univers est né. Et donc, si on veut rendre service à Dieu, eh bien, il faut que l'humanité se suicide. Comme ça aidera, on reviendra d'abord à la matière, mais après, ça disparaîtra. Et quand il reçoit son gros livre où il explique tout ça, il prend deux, trois exemplaires, il monte dessus, il se pend, quoi. Hein. Donc là, il donne l'exemple. Hein. Et ça marque Nietzsche parce que Mailander dit, Schopenhauer se trompe, c'est chacun de nous, on a une volonté qui veut s'étendre autant que possible. Et donc ça, c'est la volonté de puissance de Nietzsche qui aboutit directement, avec quelques détours, mais enfin qui aboutit à son surhomme, celui qui n'est que volonté. Hein. L'interprétation du bon Nietzsche, comme on disait, des années 50-60, c'est que finalement, il retrouvait les stoïciens, voire même les moralistes chrétiens, qu'il faut travailler sur soi, tout cela. Le problème, c'est quand vous regardez sa vie, quoi. Là, c'est du papier, quoi. C'est oui. Sur la volonté, non. C'est surtout la période psychologiste de Nietzsche. Hein. Nietzsche dit « la philosophie, ça vaut rien ». Il n'y a que la psychologie qui compte. Hein. Non, si vous me dites n'importe quelle proposition sur Dieu, sur le monde, qu'elle soit philosophique ou scientifique, je vais vous répondre, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous le dites. Oui. Hein. Alors, comment ça se passe là-dedans? Pourquoi vous le dites comme ça? Quels sont les problèmes que vous avez eus dans votre jeunesse? Enfin, je caricature, mais c'est le généalogisme. Hein, c'est, et puis, à la fin, même, il dépasse ça, puisqu'à la fin, c'est le physiologique. Hein, si vous dites que... J'exagère, mais que 2 plus 2, ça fait 4, c'est vous avez dû manger des nouilles hier. Et si vous dites ça fait 5, c'est vous avez mangé du homard. Enfin, là, je caricature, mais c'est quand même le fond d'expliquer par... D'abord, il n'y a pas de philosophie, il n'y a que de la psychologie. Et ensuite, même, il n'y a que de la physiologie. Hein, c'est ce qui n'est pas complètement faux. Comme toujours, il faut essayer de voir les choses d'une vision catholique, c'est-à-dire que c'est le meilleur penseur du monde. S'il a une indigestion, en général, ça ne vaudra pas grand-chose, effectivement. Donc, il y a un aspect de vrai dedans, mais comme toutes les hérésies, c'est le propre des hérésies, c'est de prendre un petit aspect de la vérité et de mettre un grand V dedans. Mm-hmm. Nietzsche, même la vérité, ne veut pas le mettre, mais enfin, ça revient quand même à ça, parce qu'il ne croit pas à la vérité, n'empêche qu'il dit juste là aussi presque jusqu'au avant de mourir, c'est la vérité qui parle par moi, quoi. Hein, donc la contradiction de plus du bonhomme. Hein, voilà. Donc on est très loin de la vision réaliste qui essaye de donner à toutes les dimensions de la réalité, y compris les dimensions physiologiques, psychologiques et autres, une place, mais sa place. Et alors, oui, j'aurais voulu qu'on parle un tout petit peu des gens qui ont parlé de Nietzsche, notamment Gustave Thibon. Oui. Thibon était donc un auteur très catholique, très, très important. Oui. Il était très marqué par Nietzsche. Oui, alors Thibon était très marqué par Nietzsche et moi-même j'étais beaucoup marqué par Thibon. Effectivement, je parle peut-être pas beaucoup de Thibon. J'aurais pu en parler plus. Ce qui est un tout petit peu gênant pour moi dans ce travail particulier par rapport à Thibon, c'est que Thibon, même s'il est mort il y a pas très longtemps, il était une époque où on croyait que Nietzsche vivait ce qu'il écrivait. Oui. Et ça se sent dans les livres de Thibon. Hein. Donc, il représente l'adversaire souvent avec un grand A, l'adversaire noble, je dirais. Hein. Là, comme on peut penser au grand stoïcien ou à Marc Aurèle, tout cela. Chesterton aussi, en partie. Hein, on a un peu de mal aujourd'hui où on connaît beaucoup mieux la vie de Nietzsche. Hein, ce que peut dire d'ailleurs qu'on a raison. Ouais. Là, il faut aussi rendre justice à Nietzsche. Et quand il écrit des choses fortes, il faut le reconnaître. Hein. Parce que il y a une phrase de Thibon que j'ai en mémoire, mais du coup, je n'en garantis pas l'authenticité au point de vue de la forme. Il dit Nietzsche n'est pas devenu fou, il s'est fait fou. Oui, c'est sa pensée qui l'a rendu fou. Oui, là. Alors, c'est. Le disciple, puisqu'il n'y avait qu'un disciple, Kozlitz, hein, Nietzsche, dit Nietzsche jouait à être fou. Bon, ça, non, il n'aurait pas fait 11 ans ça, là-dessus. Et puis, il y a trop de témoignages, il l'était vraiment. Mais il y a une Américaine qui a écrit un livre là-dessus. On comprend Thibon, c'est sa pensée qui l'a rendu fou. C'est une partie c'est une partie de la réalité. Oui. Je veux dire, il est à peu près sûr qu'il y avait un problème physiologique. En plus, comme il se bourrait de tout ce qu'il pouvait trouver de médicaments, donc ça joue aussi. Il y a par exemple un texte. Alors, je sais pas si tu me souviens plus, hein, dans Nietzsche ou le déclin de l'esprit, le livre entier sur Nietzsche ou dans les autres livres où il parle de Nietzsche, s'il le cite ou non, c'est un texte, je crois, c'est de 83, si mes souvenirs sont bons, par là, où Nietzsche, en fait, fait un appel à la folie, quoi. Comme étant le summum de ce qu'on peut atteindre. Hein. C'est une idée qui a été reprise par plus d'un au XXe siècle. Hein, parce que la folie, ça dynamite. Et comme toujours, il y a une partie de vrai. Platon, aussi un auteur que je fréquente beaucoup, qui est Piper, l'allemand, le thomiste allemand, il écrit un livre sur la folie divine chez Platon, parce que chez Platon, l'extase, c'est une forme de folie, c'est une sur-raison. Mais toutes les formes de folie sont pas toutes au-dessus de la raison, il y en a qui sont en dessous, et malheureusement, Nietzsche, il est très nettement allé vers le dessous. Tout en cherchant aussi un au-dessus de la raison. Un auteur qui a été aussi très marqué par Nietzsche, c'est Tchestov, et qui lui aussi est extrêmement critique vis-à-vis de la raison. Et vous savez que vous avez deux lectures possibles de Tchestov, comme un pilier pour un christianisme qui ne soit pas englué dans le rationnel, ou quelqu'un finalement qui n'était pas chrétien du tout. Hein. Les deux lectures sont possibles, même si quasiment tous ses écrits tournent autour de Athènes et Jérusalem, la nuit de Pascal, de Gethsemane, tout ça. On se retrouve toujours un peu dans les mêmes ambiguïtés, quoi. Très bien. Et alors pour en revenir toujours à notre sujet, Turin, 1888, on n'a pas encore photographié le Saint-Suaire. Non. Ça sera 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, voilà. Oui. Avec une chose très étonnante, ça fait partie de ces petits affleurements du réel dont je parlais. Le 28 mai 1898, le même jour, il y a deux révélations, je mets entre guillemets, qui se passent. Il y a d'une part le photographe Pia, Secondo Pia, qui photographie le Saint-Suaire, enfin, parce que la photographie était connue depuis 60 ans, quand il le fait, qui photographie le Saint-Suaire, avec donc cette révélation, comme il le raconte lui-même d'ailleurs, dans sa chambre noire. Et puis le même jour, paraît à Berlin un article qui détruit qui pour Nietzsche était certainement, je dirais, un des deux ou trois éléments les plus forts de son mythe personnel, à savoir qu'il était d'une famille de nobles polonais. Hein, et Meyer, c'est le nom de l'allemand, prouve que c'est C'est une invention avec toutes les autres. Hein. Bon, Nietzsche, il est trop fou pour trop dément pour s'en apercevoir, mais c'est comme frappant que ça se passe le même jour, que soit révélé et surtout. Entre autres, et ça c'est surtout Benoît XVI qui a beaucoup médité là-dessus, sur la beauté, la noblesse du Saint-Suaire, enfin Jean-Paul II en dit aussi quelque chose, mais surtout Benoît XVI, et que la noblesse au niveau du sang, qu'entendait Nietzsche, lui est enlevée. Quoi. Mmh. Donc le Saint-Suaire, oui, c'est peut-être le lieu de dire un petit mot sur le Saint-Suaire. Oui, c'est là, je le dis, le sujet du livre n'est pas le Saint-Suaire, même s'il est présent dans, dans tout le livre. Là-dessus, je suis Jean-Paul II, mais je pense là, tous on suit plus ou moins la même chose. Ce qui est intéressant dans le Saint-Suaire, c'est l'homme du Suaire. Hein. Oui. Alors, il se trouve que il y a une synthèse qui vient d'être faite, enfin il y a 2 ans et demi, par des universitaires italiens sur le où on en est des travaux sur le Saint-Suaire, hein, et par exemple par rapport à une lettre que M. Pinsky, lettre ouverte au pape, en dehors du ton que combinatoire, bon, qui me semble un peu drôle qu'on parle comme ça au pape, en dehors des erreurs quand il dit que les papes précédents n'ont plus osé, alors que Jean-Paul II, après le Carbone 14, parle d'empreinte du corps du crucifié, et que Benoît XVI dit que ça répond en tout à tout ce que nous pouvons savoir de Jésus. Donc là-dessus, c'est une légère erreur, mais peut-être qu'il n'a pas ces informations. Mais dans cette synthèse récente de 2012, qui est signée, présentée par Giulio Franti, qui est un peu la grande autorité en ce moment en Italie, il dit cette chose très intéressante. Si le Saint-Suaire est celui de Jésus, c'est un miracle qui nous soit arrivé. Mm-hmm. Mais dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques sur le Saint-Suaire, si c'est pas celui de Jésus, c'est un miracle encore plus grand. et parce qu'il y a tellement de choses que la science n'arrive toujours pas à avoir une idée ou à reproduire, le principe de la science. Et là, une petite parenthèse, j'étais en Italie donc quand a commencé l'ascension. Et j'ai un petit coup d'œil sur la presse française. En Italie, il y avait des pages et des pages pour des fois contre, souvent pour, mais aussi des fois contre, des discussions entre scientifiques, tout ça, professeurs d'université. En France, 3 lignes, la science a parlé, point, il n'y a plus rien à voir, circuler. Hein, t'sais là. Alors, on peut y croire ou ne pas y croire. Personnellement, j'y crois, mais en sachant que c'est un signe. Hein, et, il ne faut pas faire dire au Saint-Suaire plus qu'il n'est. Alors justement, hein, est-ce que ce n'est pas le défaut du texte du Pinsky qui consiste lui donner un statut qui avec une confusion entre la relique et l'icône. Il dit la relique, on l'adore, l'icône, on la vénère. Non, une relique aussi, on la vénère. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Dans le fameux texte de Nicée II, 782, commun avec les orthodoxes, donc c'est aussi notre concile, hein, dans lequel on parle des icônes. On vénère les icônes parce qu'ils ont une présence, alors on fait un tout petit peu de théologie, non pas de transsubstantation comme dans l'Eucharistie, mais de transpersonnification. C'est-à-dire que l'icône faite selon les règles est bénie, le Saint-Esprit vient et vous avez le contact avec la personne. C'est pour ça que on demande à vous laisser regarder par l'icône. Mmh. Parce que là, analogiquement avec l'Eucharistie où vous prenez le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui vous prend, avec l'icône, c'est du même ordre, pas substantiel, le bois reste le bois, mais c'est vraiment la personne. Hein. Quand Benoît XVI, par exemple, parle d'icône écrite avec le sang, et qui nous dit, qui correspond parfaitement à tout ce qu'on sait sur la passion et la mort de Jésus de Nazareth, dire qu'il faut qu'il déclare quelque chose de plus, je vois pas ce qu'il pourrait dire de plus. Ça reste toujours, par exemple, une thèse qu'on trouve aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, c'est que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut pas raconter sur le pauvre Jésus, j'allais dire, c'est que le Jésus n'étant pas ressuscité, mais que ses disciples auraient volé le linceul, après finalement, bon, il était inutilisable, et donc ils auraient attrapé un pauvre bonhomme, ils l'auraient crucifié après l'avoir flagellé exactement de la même façon que le Christ, et que ça serait ça, le linceul de Turin, quelques semaines ou quelques mois après. Comment explique-t-on l'impression du sang, etc. C'est pour ça que ce travail de Fanté et d'autres, hein, ils sont une vingtaine de différentes spécialités, de dire que ça serait, avec bien sûr un grain d'humour dans ce qu'il dit, mais ça serait même un miracle encore plus grand si ce n'était pas celui du Christ. Et hein. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, on n'est pas obligé de croire Non. Alors il y a une fête du Saint-Suaire, hein. Bon, mais il y a une fête de Notre-Dame de Lourdes, vous n'êtes pas obligé de croire à Notre-Dame de Lourdes. Hein. Je suis aussi un dévot de Notre-Dame de Lourdes, mais parce que ce sont des signes et des signes qui sont temps de grâce que Dieu nous donne. Hein. Et il suffit de lire les dizaines de pages que tous les papes, ont, surtout tous les derniers, ont écrit sur le sanctuaire pour dire que si vous n'avez pas des raisons sérieuses... bon, moi j'ai un peu du mal à comprendre, mais les frontières passent à l'intérieur des chrétiens. Il y a un certain nombre de pères, je ne dirais pas de quel ordre, mais qui sont très virulents anti-suaires en France. Hein. Oui. Par contre, dans la revue Études, la revue des Jésuites, en l'an 2000, il y avait le père Martin Pochon avait écrit un très beau texte, très très nuancé, mais lequel sa foi dans le Saint-Suaire et qui terminait quand même en disant pour les apôtres, ce qu'ils ont vu là où le corps du Christ était mis. Oui, au tombeau du Christ. Enfin. Au tombeau du Christ a compté, et donc ce tissu a compté, que pour nous il soit indifférent, il y a quelque chose qui cloche, hein, mais elle passe entre les croyants. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui sont athées, qui croient à l'authenticité du Saint-Suaire, et qui ne sont pas devenus chrétiens pour autant. Parce que, sauf la partie résurrection, où là les papes nous disent qu'il y a aussi un témoignage qui est bien sûr beaucoup plus dans la foi que la partie, les traces de telle ou telle blessure. Et ça passe entre scientifiques. Il y a eu en 2011, il y a eu toute une polémique en Italie qui s'est allée dans les journaux, tout ça sur un des aspects précis au niveau de l'image, entre des gens qui avaient tous des pédigrés d'universitaires. Bon, là-dessus, mais ce qui est important de dire, c'est que les frontières passent à travers toutes ces catégories et non pas une catégorie contre l'autre. Et que là, aussi bien ceux qui disent que c'est un crime contre la foi de pas croire au Saint-Suaire, que ceux qui disent mais ça mérite pas deux secondes d'intérêt, à mon avis, ils sont au côté de la plaque des deux côtés, même si, à l'heure actuelle, à l'exception du carbone 14, qui lui-même a été l'objet de beaucoup de discussions, ça va quand même toujours dans la même direction. Ouais. Hein? Est-ce que scientifiquement, il peut y avoir une étape supplémentaire, une nouvelle datation? Est-ce que... Alors ça relève du Saint-Siège. Peut-être qu'un jour, on trouvera la façon, puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas reproduire. Hein? Donc, au niveau scientifique, il faut pouvoir reproduire. Enfin, on sait, mais il n'y a pas photo entre ce qu'on peut faire le Saint-Suaire, en sachant d'ailleurs que beaucoup de choses du Saint-Suaire, comme elles sont pas visibles à l'œil nu, surtout quand vous y êtes. C'est-à-dire même, c'est des travaux extrêmement fins lors de travaux de scientifiques dessus. Là. Mais peut-être qu'un jour, on comprendra que c'est X, l'événement physico-chimique qu'on mettra en équation tout ça, ça ne changera rien. Même si c'est unique dans l'histoire de l'humanité, vous aurez toujours l'acte de foi dans la résurrection, en sachant que la résurrection, c'est un événement dans l'histoire, hein, pas un événement dans la foi. Mais c'est la foi qui vous le permet de le savoir. Donc on peut dire qu'avec le père Agostino, que le Saint-Suaire est un résumé de la doctrine chrétienne. Ah, tout à fait, oui. Oui, c'était bien trouvé, hein, 1888. Oui. Hein. Et à l'époque, il avait le positif, qu'il avait d'ailleurs jamais vu, puisque il n'y avait pas d'ostension, la dernière remontée à bien longtemps avant. Hein, donc avec des reproductions, c'était très bien vu. Très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter dans les deux minutes qui nous restent? Pas grand-chose. Non, peut-être un petit... Alors, un mot quand même sur la réponse de Jésus, parce que c'est quand même la pointe du livre. Hein. Ce que nous disent les papes sur Jésus au Suaire, par le Saint-Suaire, l'homme du Suaire, c'est qu'il a souffert. Mm-hmm. Pour Nietzsche, la souffrance, c'est rien. Il est même très virulent vis-à-vis de toute positivité de la souffrance. Hein. Bon, je renvoie à l'encyclique de Jean-Paul II là-dessus. C'est que ça nous rend solidaires avec tous ceux qui ont souffert ou qui souffrent, alors que Nietzsche veut s'en débarrasser, cette mort de Dieu dont parle tellement Nietzsche, le Christ l'a vécu, mais dans un sens totalement différent, bien sûr. Et puis que en creux, la résurrection est déjà là. Et enfin, c'est la pointe des méditations de tous les derniers papes, c'est que c'est le témoin de cet amour qui va jusqu'au bout de Jésus, et pourquoi pas, y compris pour Nietzsche, quoi. Et qui le met en face de cet amour. Hein. C'est la réponse, la question que pose le Saint-Suaire à chacun. Que dis-tu de moi? Et après, chacun est dans sa liberté. Hein. Et Nietzsche a cru répondre à la question en disant que Dieu était mort.